Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. On se retrouve aujourd'hui pour le premier numéro d'une toute nouvelle émission mensuelle intitulée À la rencontre d'auteurs. C'est Chris et aujourd'hui nous rencontrons Hervé Boyer, auteur de Traces pour un autre avenir. Bonjour Hervé. Bonjour à vous. Comment ça va ? Bah ça va pas mal, ça va pas mal. Merci. Donc pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Oui, donc comme vous l'avez dit, je m'appelle Hervé Boyer. Alors voilà, j'ai une petite particularité, c'est-à-dire que je suis moitié marseillais, moitié vosgien. Donc un peu comme ça, biculturel dans le pays. Et en fait, j'exerce la profession de cadre de santé dans un hôpital psychiatrique à Mirecourt, à Ravenel. Voilà, et donc je suis aussi auteur. J'ai déjà écrit un roman il y a quelques années. Donc là, maintenant, voilà, je suis auteur de poèmes. Donc on est donc ici pour parler de votre recueil Traces pour un autre avenir, recueil de poèmes édité chez Eddy Livre. Et donc dans ce livre, nous remarquons certaines figures de style comme les assonances et les allitérations, ce qui donne un certain rythme musical à vos textes. Je suppose que c'était un choix de votre part. Oui, alors j'ai toujours considéré que la musique faisait partie intégrante de la poésie. Et puis, en fait, ce qu'on peut remarquer aussi dans ce livre, c'est qu'il y a des poèmes qui sont beaucoup plus anciens, voire même très anciens, et on peut y voir une certaine... Et donc la majorité sont plus récents, et on peut voir une certaine, alors je dirais évolution, en tout cas un certain changement entre certains poèmes dans mon style d'écriture. Mais oui, effectivement, la musique, pour moi, fait partie intégrante de la poésie, même si ça peut paraître un peu, au départ, un peu bizarre de dire ça, mais la musique des mots est très importante, ouais. Par exemple, nous voyons très bien ces assonances et allitérations dans le poème « Meurs, rumeurs ». Et personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte. Je l'ai trouvé vraiment musical, comme vous venez de le dire. Et justement, donc vous avez presque répondu. Pourquoi avoir fait ce choix des assonances et des allitérations ? Alors c'est parce que en fait c'est mon plaisir de jouer avec les mots, en fait c'est ça qui est la plus grande motivation. Et puis alors c'est intéressant parce que ce poème que vous citez, Meurs, rumeurs, celui-là fait partie des poèmes très anciens, très anciens quand même, il y a quelques années maintenant. Et voilà, mais c'est le plaisir de jouer avec les mots, et ça, je trouve que plus que dans un roman, la poésie permet ce jeu avec les mots. Ouais. Parce que là, nous voyons à la dernière page que ce livre a été imprimé en juin 2019. Ouais. Et donc, dans ce recueil, il y a combien d'années d'écriture en tout ? Oh, je dirais comme ça, je vous dirais une bonne quinzaine d'années, une bonne vingtaine d'années, mais beaucoup plus de poèmes ont été écrits plutôt sur les deux dernières années, vous voyez. Voilà. Mais sinon, certains remontent à, il y a quand même, une bonne vingtaine d'années pour les plus anciens, oui. D'accord. Et donc, vous avez déjà écrit un livre ? Oui, c'était un roman. Ça remonte à il y a quelques années aussi. Édité à compte d'auteur, parce que c'est difficile de trouver des maisons d'édition. Oui. Et donc c'était un roman d'anticipation, en fait, et qui s'appelait Chasseur de fous, alors qui était quand même assez lié au métier que je fais. Mais voilà, c'était un roman, mais d'anticipation, donc qui décrivait une société où on faisait la chasse aux fous. Voilà. D'accord. Et donc dans ce premier roman, est-ce que nous retrouvons également des figures de style comme dans Traces pour notre avenir ou pas ? Alors dans ce premier roman, j'y avais intégré des poèmes qu'on retrouve justement dans ce livre, donc Traces pour un autre avenir. Mmh. Et parce que j'y mêlais beaucoup la poésie, justement, et voilà, je voulais faire un petit peu un contrepoint entre une société répressive qui chasse les fous pour les enfermer, et donc une résistance qui s'opère par rapport à cet état totalitaire, et donc résistance qui passe aussi par la poésie, par les mots, et parce que quand même aussi la poésie, pour moi, c'est pas que, mais c'est aussi une dimension subversive, voyez. D'accord. Des morceaux subversifs, c'est-à-dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire. C'est-à-dire qui peut aussi avoir un engagement, qui peut aussi avoir un engagement militant et qui peut aussi, et même souvent, aller à l'encontre de normes établies, d'un pouvoir en place et qui peut servir aussi pour éveiller certaines consciences éventuellement. Voilà. D'accord. Et donc dans ce recueil Traces pour un autre avenir, il y a également un certain jeu avec les mots, hein, des jeux de mots, ce qui rend les poèmes encore plus poétiques. Est-ce que la raison de ce choix est la même que pour les figures de style ? Oui, c'est toujours lié à mon plaisir de jouer avec les mots, à mon plaisir aussi de montrer que parfois beaucoup de mots, souvent même très souvent, peuvent avoir des sens différents selon comment on les utilise, selon comment on les emploie, selon dans quel contexte on les emploie, et toujours cette idée de jeu avec les mots, de musique comme ça, de rythme aussi. J'aime beaucoup la notion de rythme. Et donc qui est aussi lié avec la musique. Et je n'oublie pas que la poésie est faite pour être lue, bien sûr, mais elle est faite aussi pour être parlée, pour être dite. Et après, c'est là aussi qu'intervient toute la qualité de celui qui dit à haute voix une poésie, et parce que selon comment il l'a dit, selon le rythme dans lequel qui va utiliser, ça peut aussi avoir une importance. Ouais. Justement, en parlant des mots, on remarque donc dans ce recueil un certain vocabulaire, une nouvelle fois, avec des mots, disons, peu communs, comme par exemple palanquin, falbala ou encore ineffable. Pourquoi avoir fait ce choix des mots peu communs ? Oh, ça, c'est, je dirais que toute modestie, c'est aussi pour un souci d'originalité. C'est pour montrer aussi que, bon, voilà, il n'y a pas que quelques mots qu'on utilise, même si dans la conversation de tous les jours, on a peut-être un vocabulaire un peu plus limité, mais là, c'était aussi pour ouvrir, voilà, pour ouvrir sur des mots, comme vous dites, qui sont peut-être moins utilisés, oui, et qui ont pour moi une force poétique. C'est voilà, sortir un petit peu du commun, sortir un petit peu du quotidien, de ce qu'on emploie comme mots tous les jours au quotidien. Voilà. Donc justement, est-ce qu'on peut dire que ces mots peu communs, entre guillemets, font partie de votre personnalité d'écrivain ? Oui, tout à fait, ça je le revendique. Alors bon, après je me pose toujours la question aussi il faut pas que le lecteur non plus soit obligé d'avoir un dictionnaire à côté de lui pour pouvoir comprendre. Donc c'est trouver un juste milieu entre malgré tout sortir un petit peu du commun et avec des mots un peu moins usités, mais sans non plus tomber dans quelque chose qui serait pour le coup incompréhensible à moins d'avoir un dictionnaire à côté. Bon, il faut que je fasse un peu attention à ça, parce que parfois ça peut m'arriver. Donc voilà, c'est une vigilance que j'ai quand j'écris. Mais voilà, j'aime bien l'originalité de certains mots, oui, effectivement. D'accord. Donc je vous propose que nous nous lancions tout de suite dans une première pause musicale. Nous allons écouter Jacques Brel avec Orly, et nous nous retrouvons juste après. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et je les sais qui parlent, il doit lui dire je t'aime, elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et brusquement ils pleurent à gros bouillons, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Mais ces deux déchirés, superbes de chagrin, abandonnent aux chiens l'exploit de les juger. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche. Avec ou sans Béco. Et maintenant il pleure, je veux dire tous les deux. Tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il. tout encastrés qu'ils sont et n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre. Et puis infiniment, comme deux corps qui brillent, infiniment lentement, ces deux corps se séparent, et en se séparant, ces deux corps se déchirent, et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent, redeviennent un seul, redeviennent le feu, et puis se redéchirent, se tiennent par les yeux. Et puis en reculant, comme la mer se retire, ils consomment l'adieu, ils bavent quelques mots, agitent une vague main. Et brusquement il fuit sans se retourner. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans béco. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. Et elle reste là, cœur en croix, bouche ouverte, sans un cri, sans un mot. Elle connaît sa mort, elle vient de la croiser. Voilà qu'elle se retourne, et se retourne encore. Ses bras vont jusqu'à terre, ça y est, elle a 1000 ans. La porte est refermée, la voilà sans lumière. Elle tourne sur elle-même, et déjà elle sait qu'elle tournera toujours. Elle a perdu des hommes, mais là, elle perd l'amour. L'amour le lui a dit, revoilà l'inutile. Elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile, avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis, je n'ose rien pour elle, que la foule grignote comme un quelconque fruit. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Nous sommes toujours en compagnie de Hervé Boyer, auteur du livre « Traces pour un autre avenir ». Ça va toujours ? Très bien, très bien. Merci. Donc, on a un petit peu discuté pendant la pause musicale. Et on a également, enfin, surtout, parlé des choix musicaux. Donc là, nous venons d'écouter Jacques Brel avec Orly. Et il y a encore deux autres pauses musicales que vous avez choisies. Donc, pourquoi avoir fait ces choix ? Alors, bon, déjà, Jacques Brel, je considère que... Je considère que c'est un des plus grands poètes du XXe siècle. D'accord. C'est sûr que c'est vrai qu'il est surtout connu pour ses chansons et ses films, les films dans lesquels il a tourné. Mais ceci dit, voilà, Jacques Brel est pour moi donc un des plus grands poètes du XXe siècle, et je ressens toujours énormément d'émotion à l'entendre et à l'écouter. Et je dis, c'est même plus que de l'émotion. Certaines de ses chansons, certains de ses textes me font venir les larmes aux yeux. Tellement je ressens de l'émotion, et je me dis chaque fois que j'écoute du Jacques Brel, je me dis bah oui, ça j'aurais bien aimé l'écrire. Et voilà, okay. Et là pour moi c'est le signe que, donc voilà pourquoi Jacques Brel, parce que c'était un bel homme, comme on dit. Alors peut-être pas au sens physique, ça encore que les critères de beauté physique, oui, sont toujours très aléatoires, mais pour ses valeurs morales et pour ses valeurs humaines, pour moi c'était un bel homme, et vraiment je suis vraiment très très très attiré par Jacques Brel. Voilà pourquoi ce premier choix musical. Alors après, il y a les Doors, évidemment, pour moi, évidemment. Là aussi, Jim Morrison, un des plus grands poètes du XXe siècle, et sachant que Jim Morrison, il n'a eu peut-être qu'un regret dans sa vie, c'est de ne pas avoir été assez reconnu, justement, comme poète. D'accord. Mais plutôt comme une rockstar, qu'il était d'ailleurs, mais son plus grand désir, c'était d'être reconnu comme poète, et donc, à la fin de sa vie, après le dernier album des Doors, hein, Ella Woman, quand il a dit qu'il souhaitait arrêter le rock and roll et le blues pour se consacrer à la poésie et surtout aussi au cinéma. On l'oublie un peu trop souvent, mais Jim Morrison était un grand féru de cinéma. Il a d'ailleurs fait des études à l'université UCLA, hein, à Los Angeles, donc des études de cinéma. Et puis Jim Morrison est un compagnon de route, si je puis dire, depuis que j'ai 16 ans, donc ça fait quand même un certain temps maintenant, depuis l'âge de 16 ans. Et voilà, c'est lui auquel je me suis identifié quand j'étais adolescent et qui m'a ouvert à plein de choses. Donc voilà, je crois qu'il me suivra jusqu'au bout. Donc voilà pourquoi Jim Morrison, les Doors et Roadhouse Blues, donc qui est sur l'album Morrison Hotel. Et puis pour terminer, ben Bob Marley, son titre One Love, parce que je considère que Bob Marley est ce que j'appelle un bienfaiteur de l'humanité. D'accord. Bob Marley, donc le Rasta fumeur de ganja, mais il ne faut pas limiter Bob Marley au fait qu'il se soit un fumeur de ganja, mais le fait qu'il soit Rastafari, donc de la religion rastafarienne. Et donc, pour moi, Bob Marley est un bienfaiteur de l'humanité parce qu'il a toujours défendu des valeurs pacifistes, des valeurs humaines aussi. Il a toujours défendu le peuple noir contre, à l'époque, le colonialisme, contre l'oppression. Il a toujours critiqué les valeurs de consumérisme, de capitalisme destructeur de la société occidentale. Donc voilà, au même titre que beaucoup de pacifistes, John Lennon, Martin Luther King, Gandhi, pour moi, Bob Marley, au-delà du fait qu'il chante du reggae, mais il a été très populaire et il a véhiculé d'importantes valeurs humaines. Et donc c'est un bienfaiteur de l'humanité, j'insiste. Donc Bob Marley et The Doors, que nous écouterons un peu plus tard dans cette émission. Donc nous pouvons clairement dire que Jacques Brel, Bob Marley sont des modèles pour vous. Oui, on peut dire ça. Un modèle, bon, il faut relativiser, mais en tout cas des sources d'inspiration, en tout cas. Bon, modèle, je suis toujours un peu prudent sur le concept de modèle, parce que modèle veut dire qu'on copie peut-être à l'identique. Mais ceci dit, en tout cas, oui, vous avez raison. Pour moi, des valeurs sûres et des sources d'inspiration très profondes, sans parler de Jim Morrison, bien sûr aussi. Oui, sources d'inspiration très importantes, bien sûr. Il n'y a pas que ça, mais oui, ils en font partie. Ils font partie de mon panthéon, comme j'aime bien dire. D'accord. Justement, comme dans votre livre « Traces pour notre avenir », on remarque que vous dénoncez certaines choses dans votre livre, donc nous parlerons juste après. Et donc, est-ce que chaque texte, chaque poème de ce livre raconte une partie de votre vie et s'adresse à plusieurs personnes en particulier ? Oui, beaucoup. Bon, de toute manière, je considère que, quel que soit de la poésie ou que ce soit des romans, on met évidemment beaucoup de soi dans ce qu'on écrit. Mais effectivement, alors, plus particulièrement dans certains poèmes, où là, oui, c'est directement lié à des épisodes de ma vie que j'ai vécu, qui ont été soit douloureux, soit heureux, soit malheureux. Enfin, bon, voilà, avec tout ce qu'on peut rencontrer dans une vie. Mais oui, effectivement, alors pas tous, certes, enfin en tout cas certains moins que d'autres et d'autres plus que d'autres, mais beaucoup, oui, sont directement liés à ce que j'ai pu vivre dans toute ma vie. Et pour le deuxième livre qui est en préparation, c'est un peu beaucoup, même la même chose. Ouais. Donc on peut dire que ce recueil a été comme un exutoire, comme un défouloir pour vous. Oui, je considère que certains disaient écrire pour vivre. Oui, je considère qu'effectivement, il y a une dimension de... Oui, vous dites le mot exutoire. Moi, j'emploierais un autre terme, mais qui est un peu plus, peut-être un peu plus technique, qui est le terme de sublimation. C'est-à-dire que l'idée, c'est effectivement d'essayer de traverser certaines émotions qui nous sont propres, de les traduire en mots, en l'occurrence en poèmes, pour pouvoir mieux les vivre et pour pouvoir mieux les dépasser et mieux s'en accommoder, en quelque sorte. Donc oui, exutoire, c'est un mot qui me va bien, effectivement. Oui. Donc justement, pourquoi avoir créé cet exutoire, cette sublimation, comme vous venez de le dire, sous forme de recueil de poèmes et non sous forme de roman ? Est-ce que les poèmes permettent de dire plus facilement les choses ? Oui, pour moi, oui. Et puis, alors pourquoi déjà ? Parce que, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, parce que ça m'aide à vivre, voilà. Alors bon, je ne dis pas que si je n'écrivais pas de poèmes, je mourrais, mais quand même, ça m'aide à vivre. Et puis alors, pourquoi poème et puis pas roman ? Parce que je trouve que dans la dimension plus courte d'un poème, alors bien sûr, il y a des contre-exemples, hein, il y a des contre-exemples de poèmes qui sont très longs, avec Tolkien, par exemple, oui. Avec Victor Hugo, bon, bref. Mais ceci dit, quand même, le poème est une forme beaucoup plus courte que le roman, et je trouve que c'est plus, pour moi en tout cas, plus facile, hein, voilà, plus facile. Et puis alors je vais même jusqu'à l'extrême du plus court, puisque j'écris aussi des haïkus, hein, des poèmes japonais qui là effectivement sont encore plus courts, puisque ça correspond à une forme très très précise, voire même contraignante, hein, où c'est trois vers, hein, c'est uniquement trois vers, pas un de plus, avec le premier vers de 5 pieds, le deuxième vers de 7 pieds et le troisième vers de 5 pieds à nouveau, et donc voilà, qui doivent être des portes qui doivent permettent d'ouvrir à la méditation. Voilà. Et donc là, on est dans des formes vraiment très courtes, comme la philosophie zen, hein, comme la philosophie bouddhiste, comme beaucoup au Japon, hein, le côté épure, le côté épuré des choses, mais qui doivent ouvrir des portes, et donc pour aller vers d'autres mondes et d'autres méditations. Donc vous voyez, là, c'est vraiment le très très court, hein, le haïku. Et bon, j'écris aussi beaucoup de haïku. Donc voilà, j'aime bien ces formes relativement courtes, oui. Et donc, est-ce qu'on retrouvera dans votre deuxième, enfin votre prochain livre en cours d'écriture, des haïkus, on en retrouvera ou pas ? Alors non, puisque bon, là c'est aussi un projet. Maintenant, j'en ai suffisamment écrit pour éventuellement envisager une publication particulière, donc d'un livre où il n'y aurait que des haïkus. Mais là, j'aimerais bien y associer des illustrations par des dessinateurs ou par des peintres. Donc là, c'est un projet un peu fou, hein, bon, pour l'instant qui reste dans les cartons. Mais en tout cas, la matière est là et je continue à en écrire régulièrement, mais j'aimerais bien plutôt publier un livre spécifique avec uniquement des haïkus. Oui. D'accord. Donc nous remarquons que dans votre recueil, que vous ne mâchez pas forcément vos mots. Est-ce un moyen de passer un certain message ? Oui, parfois il y a même des textes, des poèmes qui peuvent être qualifiés un peu de... je dirais d'un peu rude, d'un peu dur même. Mais oui, effectivement. Alors, évidemment, sans tomber dans l'injure ou l'insulte ou l'injure ad nominem, comme on dit, hein, il ne s'agit pas de citer des gens ou des personnes, mais oui, il y a un moment donné, un petit côté comme ça. Oui, vous parliez d'exutoire tout à l'heure, j'y remettrai un autre mot qui est un petit côté défouloir. Et un petit côté, voilà, l'écriture permet ça aussi, hein, permet, en tout cas, me permet d'être parfois un peu dur, un peu rude, un peu rigoureux. Hein. Il y a parfois des gens qui ont lu certains de mes poèmes qui m'ont dit « Oulala, là quand même, tu y vas fort et c'est un peu rude ». Alors ça alterne entre poèmes, comme vous dites, rudes, durs, vraiment très très très très durs même, très très noirs, et puis d'autres plus légers, plus aérés, je dirais, voilà. Oui. Nous avons l'impression, en lisant votre livre, que vous voulez dire les choses, comme les histoires d'amour ou la vie, mais sans vraiment les dire mot pour mot. Vous confirmez ? Oui, parce que c'est un petit peu, là je retrouve un petit peu mon intérêt pour les haïkus, parce que à un moment donné, je trouve que la poésie ne doit pas, enfin, on ne peut jamais tout dire, même quand on écrit un roman, mais ça doit aussi ouvrir des portes, quoi. Ça doit aussi suggérer, ça doit aussi ouvrir de l'imagination. Donc, si effectivement il y a trop de précision, ça me semblerait dommage. Ça me semblerait plutôt être quelque chose de l'ordre de la fermeture plutôt que de l'ordre de l'ouverture. Donc, parfois, je reste un petit peu évanescent, oui, pour que le lecteur puisse ouvrir ses propres portes. En quelque sorte. Hein, on revient, voyez, on revient aux Doors, Morrison, les Doors, les portes, comme disait Aldous Huxley, les portes de la perception. Hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont appelés les Doors, d'ailleurs, hein, en référence au poète anglais, donc Aldous Huxley, donc les portes de la ouvrir les portes de la perception. Voilà. Nous avons également l'impression que vous souhaitez, en quelque sorte, motiver vos lecteurs, comme dans votre poème intitulé Bataille, donc au pluriel, En quelque sorte, nous avons l'impression que vous êtes fixé des objectifs à travers ce recueil. Oui, il peut y avoir effectivement une sorte de, en toute proportion gardée, mais une sorte d'appel à un certain engagement, en tout cas. En tout cas, tout à l'heure, je parlais de la poésie qui pouvait être subversive. La poésie peut aussi traduire une certaine forme d'engagement. Là encore, après, chacun trouve ses engagements personnels selon ses choix et selon ses préoccupations. Mais oui, il y a quand même une sorte comme ça, comme disait Stéphane Hessel, quoi, engagez-vous, quelle que soit la forme que vous prenez, quels que soient les moyens que vous choisissez, engagez-vous, ne restez pas forcément indifférent aux choses, ayez une vision un peu qui vous dépasse en tant que simple individu. Voilà. D'accord. Donc je vous propose que nous nous lancions tout de suite dans une deuxième pause musicale. Nous allons, comme nous disons tout à l'heure, écouter Bob Marley avec One Love, et nous nous retrouvons juste après. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, nous sommes toujours en compagnie de Hervé Boyer, ça va toujours ? Très bien, toujours. Donc nous avons un petit peu une nouvelle fois discuté pendant la pause musicale, et j'aurais bien aimé aborder le sujet de la maison d'édition. Votre livre, donc Trace pour un autre avenir, est édité chez Edilivre, qui est une maison à compte d'éditeur. Donc quelle est la différence entre une maison à compte d'éditeur et une maison à compte d'auteur ? Alors justement, c'est intéressant parce que mon premier roman, donc dont nous avons parlé tout à l'heure, Chasseur de fous, avait été édité à compte d'auteur. Alors en fait, compte d'auteur, ça veut dire que vous payez, hein, l'auteur paye son édition. Et à l'époque, ça m'avait coûté, c'est pas donné quand même, hein, ça m'avait coûté un certain prix. Et donc il n'y a pas vraiment de sélection par l'éditeur. À partir du moment où vous payez, a priori, bon, à moins que ce soit vraiment illisible ou je ne sais quoi, mais a priori, il n'y a pas vraiment de sélection. À partir du moment où vous payez, ben voilà, vous êtes édité, et là, alors que la différence avec le compte d'éditeur, c'est que, alors déjà, c'est une édition, un éditeur sur, sur Internet, hein, mm-hmm. donc, et là, la différence, c'est que l'édition et la publication donc, n'est pas payante. Par contre, il propose toute une série de services qui sont pour le coup payants. Et par exemple, chaque fois que je veux avoir des livres qui sont les miens, là pour le coup, je paye. Je paye les livres. En tout cas, c'est comme si je me les achetais à moi-même en quelque sorte, soit pour aller après les présenter, ou soit pour aller les distribuer ou ainsi de suite. Et par contre, le point commun entre les deux, compte d'auteur et compte d'éditeur, c'est qu'il n'y a aucune promotion, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui vous débrouillez en tant qu'auteur pour faire votre propre autopromotion, ce qui est quand même très, très, très difficile quand on n'a pas accès à certains réseaux, mm-hmm. et il n'y a pas, ou en tout cas très très peu, de distribution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distribution chez les libraires, comme il peut y avoir avec un éditeur, entre guillemets, classique. Donc ça veut dire qu'il faut que les libraires fassent la démarche eux-mêmes de commander les livres auprès des maisons d'édition. Et donc je vois par exemple là pour Edilivre, il vous propose effectivement toute une série de services payants, hein, pour effectivement par exemple qu'il y ait une publicité sur les réseaux sociaux, pour que vous puissiez apparaître dans certains salons du livre ou ce genre de choses. Mais tout ça est payant. Par contre, l'édition en elle-même, la publication n'est pas payante. Ce qui est quand même un avantage. Et puis après, il faut que l'auteur se débrouille par lui-même, ce qui est encore une fois très très difficile. Donc pour en revenir donc à Trace pour un autre avenir, vos poèmes sont presque similaires à des slams, tant dans les mots que dans les rimes, que dans le rythme. Était-ce là aussi une volonté de votre part ? À des flammes, vous dites. Des slams. À des slams. Alors, ça, c'est tout à fait particulier, ce que vous me dites là, parce que, certains poèmes que j'écris maintenant et qui feront partie, donc, du deuxième livre bientôt, certaines personnes... Il y a même une personne qui m'a dit, alors peut-être avec un peu d'humour, mais bon, peut-être pas, j'en sais rien, qui m'a dit, donc, qui m'a envoyé un message sur le réseau social en me disant, mais voilà, effectivement, tu devrais envoyer ton texte à Grand Corps Malade, parce que c'est quelque chose qui pourrait tout à fait être slamé. Mmh. Alors bon, je ne suis pas un grand spécialiste de slam, de choses comme ça, mais c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant votre question, parce qu'on m'a déjà fait la réflexion, effectivement. Alors, pour le coup, là, il n'y a pas de volonté de ma part de m'inscrire plus particulièrement dans cette dynamique-là, dans cette dimension-là. Je dirais que là, c'est sans calcul, quoi. Hein, mais effectivement, il se trouve que on m'a déjà fait la remarque. Alors voilà, bon, je lance un appel. S'il y a des slameurs qui veulent s'emparer de certains de mes textes, pourquoi pas. D'accord. Nous remarquons également qu'un certain nombre de poèmes composant ce recueil ont pour sujet la sexualité, mais toujours de manière poétique et sous-entendue. Était-ce important pour vous d'évoquer la sexualité dans votre ouvrage, et pour quelle raison ? Ça fait quand même, c'est quand même une grande partie de la vie, quand même. C'est quand même une grande partie de notre vie. Effectivement, la sexualité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, bien sûr, c'est quand même quelque chose qui, en principe, a priori, rentre dans l'ordre du partage, quand même, du partage avec un autre, avec une autre, en tout cas avec d'autres. Et pour moi, c'est important dans le sens où c'est un moteur. Alors, la sexualité ne passe pas forcément par ce qu'il est convenu d'appeler l'acte sexuel en lui-même. Hein, il passe par plein d'autres dimensions, hein, par la dimension du partage de plaisir, mais qui n'est pas forcément de l'ordre du plaisir charnel. Hein. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est l'idée de partage, et c'est l'idée de... je ne veux pas paraphraser Freud, hein, mais c'est ce qui quand même... C'est ce qui nous fait... C'est ce qui nous meut. Hein, c'est ce qui nous met en mouvement. Hein, et donc, voilà pourquoi, en quelque sorte. Hein. D'accord. Il y a également dans votre recueil un certain vocabulaire religieux. Cela sous-entend-il, pardon, que vous vous intéressez de près ou de loin à la religion ? Alors, je m'y intéresse de près, même. Je m'y intéresse de près. J'ai un parcours qui est assez évolutif, entre guillemets, mais qui a changé. Hein. Au départ, effectivement, j'étais athée. Hein, d'accord. Et maintenant, je suis devenu agnostique. Alors, agnostique, ça veut dire que on doute. Hein, on ne sait pas trop. Finalement, on doute. Hein, autant le croyant, il est sûr, il est sûr de sa foi. Autant l'athée, il est sûr que Dieu n'existe pas, que tout ça n'est que billevesé et n'est que racontard. Et voilà. Moi, je me situe entre les deux, agnostique. Et ma grande idée par rapport à ça, c'est de dire que bien sûr que Dieu existe, bien sûr qu'il existe, à tel point que ça fait des millénaires qu'on en parle, donc ça veut bien dire qu'il existe, mais j'ai un gros bémol par rapport à la religion, c'est-à-dire que je considère que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais que c'est l'homme qui a créé Dieu. Et c'est même d'ailleurs ce qu'il a fait entrer en humanité, d'ailleurs, enfin entre autres choses, hein, pas qu'avec ça, d'accord. Mais c'est même ce qu'il a fait entrer en humanité, quand le proto-humain a commencé à penser qu'il y avait peut-être quelque chose après la mort, peut-être qu'il a commencé à imaginer un certain monde des esprits, sans pour autant l'appeler Dieu à l'époque. Hein. Mais voilà, il, à partir de ce moment-là, quand il a commencé à donner une sépulture à ses morts, ben, l'homme est entré en humanité, en quelque sorte, si je puis dire, et il est sorti de l'état de nature. Alors oui, bien sûr que Dieu existe, mais sauf que c'est l'homme qui l'a créé, hein, et c'est pas l'inverse. D'accord. Nous remarquons une nouvelle fois une certaine prise de parti de dans votre recueil, comme dans certains textes, comme dans Fête nationale. Était-ce ce texte ou même ce recueil une sorte de recueil engagé ? Oui, alors dans Fête nationale, alors celui-là, il fait aussi partie des poèmes relativement anciens. Oui, dans Fête nationale, c'est, si vous voulez, c'est toute la dimension antimilitariste hein, qui s'exprime. Et là, qui me fait dire, effectivement, alors bon, certains pourraient dire que c'est une utopie, mais après tout, d'autres disaient que nos utopies d'aujourd'hui seraient nos réalités de demain. Et je me plais à envisager un monde sans armée. Il y a bien des pays hein, qui n'ont pas d'armée d'ailleurs hein, et ils s'en portent visiblement pas plus mal, et voilà, je me plais à imaginer un monde sans armée, un monde où il n'y aurait plus besoin d'armée, où les choses se passeraient différemment. Ça veut pas dire qu'il ne faudrait pas quand même se donner les moyens de maintenir un certain niveau d'ordre au niveau mondial, mais voilà, moi je trouve quand même que l'armée, c'est quand même toujours quand même pour donner la mort, c'est quand même toujours pour tuer, c'est quand même toujours pour envahir. Alors parfois c'est pour se défendre aussi, hein, je suis d'accord. Mais peut-être qu'on pourrait imaginer d'autres moyens. Donc dans Fête nationale, voilà, c'est plutôt ce côté un petit peu, oui, un petit peu antimilitariste qui me suit depuis maintenant pas mal d'années, effectivement. D'accord. Avec vos mots, vos phrases, votre champ lexical que vous utilisez dans votre recueil, nous visualisons très bien les images que vous voulez nous décrire, comme dans votre texte « La puanteur de l'immonde ». Nous sortirons presque, comme je l'ai dit, les odeurs. Est-ce un choix aussi également de votre part ? Oui, là encore, c'est dans l'utilisation des mots, dans l'utilisation de mots, de mots assez forts. Je n'oublie pas, et c'est même un des moteurs principaux. C'est-à-dire que voilà, la poésie pour moi doit faire véhiculer des émotions, des sensations. À la limite même du physique. C'est pour ça que c'est intéressant quand vous dites qu'on sent presque certaines odeurs quand on lit certains de mes poèmes. Oui, effectivement, la poésie pour moi devrait en tout cas éveiller les sens aussi. Hein, les sens, alors en deux mots pour le coup, hein, mais oui, doit éveiller les sens, doit faire sensation. Voilà. Et je pense que c'est important aussi par moment d'aller dans cette voie-là. Oui. D'accord. Je propose que nous nous lancions dans une troisième et dernière pause musicale. Nous allons nous écouter, comme nous avons un petit peu abordé tout à l'heure, The Doors avec Roadhouse Blues, et on se retrouve juste après. Keep your eyes on the road you hand upon the wheel. your vows. Give up your vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in the morning. I got myself a beer. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Nous sommes toujours en compagnie de Hervé Boyer. Ça va toujours ? C'est parfait. Donc nous avons une nouvelle fois un petit peu discuté pendant la pause musicale. Et vous, tout à l'heure, vous aviez parlé d'un prochain livre en projet de publication. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors bon, je prévois donc ce deuxième livre donc de poèmes. C'est toujours difficile de donner une date précise, mais en tout cas fin 2019, début 2020, j'ai déjà le titre. Il s'appellera Empreinte. Vous voyez cette idée de trace, d'empreinte qui décidément ne me lâche pas. Et voilà, j'ai déjà pas mal de poèmes qui sont déjà écrits, un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certains. Et voilà, oui, je pense que tout début d'année prochaine, au plus tard, je devrais donc le proposer pour une publication. Oui. Bah, vous pourrez nous revenir vers nous si ah bah, c'est gentil. Si moi je n'y manquerai pas, oui, bien sûr. Donc pour revenir à votre recueil Traces pour un autre avenir, dedans il y a un certain nombre de poèmes maçonniques. Vous pouvez nous en dire plus sur la franc-maçonnerie, tout ça ? Oui, en quelques mots, oui, bien sûr. Donc, bon, voilà, pour celles et ceux qui vont lire mon livre, effectivement, ça ne laisse aucune ambiguïté. Je suis donc, depuis un certain temps maintenant, donc franc-maçon, oui, effectivement. Alors, bon, de manière succincte, la franc-maçonnerie, alors bon, il faut enlever toute idée de secte, de complot, de choses comme ça. C'est pas du tout l'objet, et tout ça n'est que pur fantasme, et il n'y a pas de complot judéo-maçonnique, hein, comme certains veulent bien le faire croire, et ça fait partie donc de ces fameuses infox, hein, donc de fausses informations, et donc il faut évacuer tout ça, à tel point d'ailleurs que c'est beaucoup plus difficile d'entrer en franc-maçonnerie que d'en sortir. Donc ça, c'est tout l'inverse d'une secte. En général, une secte, c'est très facile pour y entrer, mais c'est très compliqué pour en sortir. Voilà, au-delà de ça, la franc-maçonnerie, très rapidement, c'est quelque chose... Alors, il y a plusieurs obédiences, donc je vais vous parler de la franc-maçonnerie en général, parce que sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps, il faudrait une émission quasiment consacrée uniquement à ça. Donc, la franc-maçonnerie en général, c'est tout d'abord, pour moi, en tout cas, ce que j'appelle une société initiatique. C'est une démarche initiatique. C'est-à-dire que c'est une démarche qui a pour visée, entre autres, de changer l'individu, la personne qui entre en franc-maçonnerie. Hein, comme tout processus initiatique, il y a effectivement une mort symbolique pour une renaissance symbolique à autre chose. On est bien dans le symbole, hein, évidemment. Oui, hein, il ne s'agit pas de tuer qui que ce soit et de prétendre à une quelconque résurrection. D'ailleurs, j'utilise le mot renaissance et pas résurrection. Donc il y a ce processus initiatique, cette démarche initiatique qui est un parcours, qui est un cheminement, qui dure toute une vie, hein, duquel on ne voit jamais le bout. Hein. Certains disent que quand on voyage, c'est pas le but qui est important, mais c'est le chemin, hein, qu'on utilise. Et puis aussi, donc, il y a tout un travail en franc-maçonnerie sur de réflexion symbolique, de réflexion philosophique, mais aussi de réflexion sociétale. Hein, c'est-à-dire que nous travaillons, nous nous interrogeons, nous débattons sur des grandes questions de société qui ont pour but aussi d'être externalisées vers l'extérieur. Donc voilà, quand on dit la franc-maçonnerie, c'est le grand secret secret, rien ne sort, rien ne transparaît, il cache tout. C'est faux, c'est complètement faux. Il suffit d'aller sur n'importe quel site internet, d'aller dans n'importe quelle librairie, et il y aura toutes les informations possibles et imaginables sur la franc-maçonnerie. Et qui plus est, nous avons une vocation aussi à intervenir dans certains débats sociétaux et à faire valoir certains points de vue, sachant que la franc-maçonnerie, en règle générale, est toujours très républicaine. D'ailleurs, nous avons pour devise la même devise que la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, et que nous prônons énormément de valeurs humaines, mais que la principale, pour moi en tout cas, la principale, c'est bien la question de la fraternité, et s'il n'y a pas de fraternité, toutes les autres valeurs ne peuvent pas exister, il ne peut pas y avoir de liberté, il ne peut pas y avoir de solidarité, il ne peut pas y avoir d'égalité, et donc voilà, il faut bien penser la franc-maçonnerie comme un regroupement de personnes qui ne pensent pas de la même manière, hein, nous ne sommes pas loin de là uniformisés, et heureusement, mais nous travaillons, comme on dit chez nous, si je puis dire, nous travaillons majoritairement au progrès moral, moi je préfère dire éthique, au progrès moral et éthique de l'humanité. L'idée, c'est de s'améliorer au niveau des valeurs humaines, d'améliorer l'individu, d'améliorer la société pour toujours plus de fraternité. D'accord. Et donc, l'information la plus importante à noter, la franc-maçonnerie n'est pas une secte. Absolument pas, absolument pas. Et tous ceux qui vous diront ça, soit ne connaissent pas la franc-maçonnerie, soit font exprès de diffuser des fausses informations pour nuire à la franc-maçonnerie. Pas du tout. Encore une fois, j'insiste, c'est beaucoup plus difficile pour entrer en franc-maçonnerie que pour en sortir. Et ça, c'est l'inverse d'une secte. Et donc, vous avez dit, en parlant de la franc-maçonnerie, vous avez parlé de résurrection plutôt que de renaissance. Quelle est la différence ? Alors, c'est l'inverse. Hein, je parle plutôt de renaissance que de résurrection. Alors, la différence, en quelques mots, pour moi, c'est que la notion de résurrection fait plus référence à une dimension religieuse. D'accord. Avec la fameuse résurrection du Christ, mais qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'autres religions. Alors que la renaissance, alors évidemment, encore une fois, on est bien dans le symbolique, hein, j'insiste, parce que les gens ne pensent pas que qu'on soit autre chose que dans le symbolique par rapport à ça. La renaissance, c'est bien effectivement le passage d'un état à un autre, tout en restant soi-même d'ailleurs. Hein, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de complètement différent par rapport à ce qu'on était avant. Hein, c'est le fameux aphorisme de Nietzsche, hein, « deviens ce que tu es » en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une continuité, il y a un continuum, mais la démarche initiatique amène ces changements, ces différentes morts symboliques pour renaître autrement et pour renaître plus riche, mais plus riche pas d'un point de vue pécunier, pas d'un point de vue financier, mais plus riche en termes de valeurs humaines et plus riche aussi en termes de travail d'introspection vis-à-vis de soi-même. Alors attention, la franc-maçonnerie n'est pas une psychothérapie, hein, c'est pas du tout l'objet, mais ça nécessite quand même un travail d'introspection, un travail sur soi, un travail de réflexion sur soi aussi, et qui doit nous amener donc à progresser, voilà, à progresser. D'accord. Donc, pour terminer l'émission et pour en revenir sur votre recueil qui s'intitule, je le rappelle, « Traces pour un autre avenir », si nous voulons nous procurer votre livre, où pouvons-nous nous rendre ? Alors, eh bien, justement, il faut le plus facile, c'est d'aller sur le site internet donc d'Edit Livres. Alors, je pourrais vous laisser les coordonnées, et puis je pourrais vous laisser le lien direct qui amène justement pour pouvoir commander mon livre et pour pouvoir l'acheter, sachant que ça aussi c'est une démarche qui m'intéresse, c'est que il est possible de l'acheter soit en version papier, soit en version numérique. D'accord. La version numérique est un peu moins chère et évidemment elle est un peu plus, elle est même pas un peu plus, elle est complètement économe en termes de papier, et donc il y a une petite démarche écologique derrière, et donc il n'imprime des livres qu'à la demande en quelque sorte. D'accord. Hein, et mais je pourrais vous laisser ça si vous voulez. Bien parce sûr. Que j'ai pas, c'est un lien assez long, mais voilà, le site, il faut aller sur le site donc internet d'Edit Livres, et vous entrez le titre, hein, sur le site internet d'Edit Livres, vous entrez le titre du livre ou mon nom et mon prénom, et je pense que ça va vous amener directement à la page où vous pouvez le commander, encore une fois, soit en version papier, soit en version numérique. D'accord. Un dernier mot peut-être ? Bah écoutez, le dernier mot, c'est, ça va être merci à vous de m'avoir accueilli, de m'avoir donné la possibilité de pouvoir parler de mon livre, de mes poèmes, et d'avoir aussi pu parler de mon prochain livre, voilà, qui dit, encore une fois, qui devrait sortir d'ici quelques mois. Merci à vous, hein, sachant que voilà, c'est pas facile pour se faire connaître un petit peu. Donc merci pour ce coup de pouce, et encore une fois, je retiens l'idée pour le prochain livre, et je ne manquerai pas de vous en faire part. Nous vous accueillerons, pardon, avec plaisir. Donc c'est ainsi que se termine ce premier numéro de À la rencontre d'auteurs. Dans le deuxième numéro, que vous entendrez le mois prochain, nous rencontrerons Eva de Kerlan pour ses romans, Is It Love, Ryan, Is It Love, Matt. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radioguemozo.eu, tout attaché, sans accent et avec un T à la fin de Mozo, et avec tous les liens utiles. Je remercie donc Hervé Boyer pour avoir accepté notre invitation. Et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guemozo, ou en nous appelant au 03 29 62 40 40, comme bon vous semble. Et on se retrouve donc le mois prochain pour une prochaine rencontre. Et en attendant, lisez des livres, littérairement. Bon conseil.